إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن كل من سار في هذه الدنيا ووطأت قدمه الثرى فهو ضعيف، يحتاج إلى من يعينه وينصره، ويحتاج إلى من يتوكل عليه وينصرف بقلبه إليه. ولهذا كان التوكل على الله والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار وحصول الأرزاق والنصر على الأعداء وشفاء المرضى وغير ذلك من أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو من صفات المؤمنين ومن شروط الإيمان ومن أسباب قوة القلب ونشاطه وطمأنينة النفس وسكينتها وراحتها. والآيات في وجوب التوكل على الله والحث عليه في كتاب الله تعالى كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومنها قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد جاء في صحيح سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Chers musulmans et musulmanes, sachez que tout être vivant existant dans cette vie d'ici-bas, ces êtres qui marchent sur terre, sont tous faibles et ont tous besoin d'aide et ont besoin qu'on leur donne la victoire. Ils ont besoin de s'en remettre et de placer leur confiance. Pour cela, que de placer sa confiance en Allah, de s'en remettre à Allah Azza wa Jal lorsque l'on espère un bien, ou lorsqu'on veut être épargné d'un mal, lorsqu'on veut avoir une pourvoyance, lorsqu'on veut une victoire vis-à-vis des ennemis, lorsque l'on souhaite la guérison d'une maladie et toute autre chose, s'en remettre à Allah, placer sa confiance en Allah, se confier à Allah, fait partie des choses les plus obligatoires. Et cela fait partie des caractéristiques des croyants. Et c'est une condition pour la foi. Et de s'en remettre au Seigneur des mondes permet au cœur de se renforcer et accorde à l'âme une quiétude et une sérénité sans semblable. Et les versets dans le livre d'Allah qui ordonnent de placer sa confiance en lui, subhanahu wa ta'ala, sont nombreux. Parmi ces versets, la parole d'Allah, azza wa jalla, sont le sens. Et c'est envers Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, sont le sens: une fois que tu as décidé, confie-toi à Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith authentique, rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans ses sunan, il dit sallallahu alayhi wa sallam: si vous placiez votre confiance en Allah comme il se devait, Allah vous aurait accordé votre pourvoyance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir le ventre plein. Ayyuhal muslimoun, التوكل هو التفويض والاعتماد على الله مع فعل الأسباب المشروعة أو المباحة، وهو من عمل القلب. والتوكل فريضة يجب إخلاصه لله عز وجل، كما قال عز من قائل: وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. وهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته لله. وإن مما يحدث التوكل في القلب التأمل في آثار الربوبية، فكلما كان العبد أكثر تأملا في ملكوت السماوات والأرض، كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت، وأنه هو المتصرف، وأن نصره لعبده شيء يسير بالنسبة إلى ما يجريه الله في ملكوته. فيعظم المؤمن التوكل على الله، وأن الله لا يعزجه شيء في السماوات والأرض، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. Chers musulmans et musulmanes, le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, signifie de s'en remettre à Allah, de se reposer sur Allah, tout en accomplissant les causes légiférées et autorisées. Et le tawakkul fait partie des actes du cœur. Il est obligatoire de le vouer sincèrement à Allah Azza wa Jal. Et le fait de placer sa confiance en Allah fait partie des adorations qui en réunissent plein d'autres. Et le fait de placer sa confiance en Allah fait partie des hauts degrés du tawhid, car en découlent de nombreux actes pieux et vertueux. Et celui qui s'en remet à Allah Azza wa Jal dans les sujets de cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà aura alors été sincère avec son Seigneur et se sera comporté avec lui de la meilleure des façons. Et ce qui permet au musulman de placer sa confiance en Allah, ce qui aide le musulman à placer sa confiance en Allah, c'est de méditer sur les signes d'Allah, de méditer sur la création d'Allah, de méditer sur la puissance d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal est le Seigneur des mondes, le Seigneur des cieux et de la terre. Et plus tu connaîtras ton Seigneur, et plus tu te rendras compte de l'immensité de sa force et de sa puissance, et plus tu te rendras compte que de donner victoire à l'un de ses serviteurs est une chose simple et aisée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu sais que rien ne résiste à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque tu sais que ce qu'Allah veut a lieu, et que ce qu'Allah ne veut pas n'a pas lieu, lorsque tu prends en considération tout cela, tu ne peux que placer ta confiance en lui subhanahu wa ta'ala. والتوكل ينقسم إلى قسمين: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كمن يتوكل على الأموات أو الغائبين في جلب المنافع ودفع المضار كشفاء المريض وطلب النصر، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة والعياذ بالله. أما القسم الثاني فهو التوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك من الاعتماد على الأسباب، فهذا شرك أصغر. ومن أمثلة هذا النوع الاعتماد على الطبيب الماهر في حصول الشفاء، والاعتماد على كثرة الجيش وقوته لحصول النصر، واعتماد الطالب على المذاكرة في النجاح، وغير ذلك من الأمثلة التي يكون فيها تعلق القلب على الأسباب تعلقا تاما مع الغفلة عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. Et sachez que de fait de placer ou le fait de placer sa confiance est de deux sortes. La première sorte de placer sa confiance sur des choses que seul Allah est capable de donner, de placer sa confiance envers autre qu'Allah, sur des choses que seul Allah est capable d'apporter. Comme le fait de placer sa confiance sur des morts, ou de placer sa confiance sur des personnes absentes, afin d'espérer un bien ou d'être repoussé d'un mal. Comme le fait de vouloir la guérison, ou de vouloir la victoire, et de placer sa confiance sur un mort ou toute autre créature qui n'a pas la possibilité de te l'accorder, ceci est du grand polythéisme qui fait sortir de l'islam. Quant à la deuxième sorte, c'est le fait de placer sa confiance sur une créature à qui Allah Azzawajal a donné la capacité d'accorder une pourvoyance ou de repousser un mal ou toute autre chose. Cette deuxième sorte fait partie du petit polythéisme, car cette personne a placé sa confiance sur une créature et a délaissé le Créateur. Et pour illustrer cette deuxième sorte, on pourrait donner l'exemple de celui qui s'en remet, qui place sa confiance sur un médecin chevronné afin d'obtenir la guérison. Ou le fait de placer sa confiance sur une immense armée afin d'obtenir la victoire, ou le fait qu'un étudiant place sa confiance dans tout ce qu'il a pu écrire durant son année scolaire afin de réussir son année. Tous ces exemples illustrent des personnes qui s'en remettent et qui placent leur confiance sur les causes, tout en étant insouciant et tout en oubliant celui qui provoque ces causes, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. ثم علموا أن الأخذ بالأسباب مع اعتقاد أن المسبب هو الله لا ينافي التوكل فإمام المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الزاد في السفر وفي غزوة أحد لبس درعين اثنين ولما خرج مهاجرا أخذ من يدله الطريق ولم ينقص ذلك من توكله صلى الله عليه وسلم. Et sachez que le fait de faire les causes, tout en sachant que celui qui provoque ces causes, c'est Allah, de faire les causes, tout en s'en remettant au Seigneur des mondes, ne contredit en aucun cas le tawakkul envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car le maître de ceux qui placent leur confiance en Allah, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mettez en œuvre les causes, tout en s'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait en voyage, il prenait des provisions. Lors de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apportait deux armures pour se protéger de l'ennemi. Et lorsqu'il est sorti, sallallahu alayhi wa sallam, émigrant de la Mecque vers Médine, il a pris avec lui des personnes pour lui montrer le chemin. Et ceci n'a en rien diminué le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait placé sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل عمل جزاء وجعل جزاء عبده المتوكل عليه أن يكفيه أمر دينه ودنياه فلا مطمع فيه لعدو كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال سبحانه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كافيه وكافٍ أتباعه من المؤمنين إلى يوم القيامة فليكن توكلهم ورغبتهم عليه وحده وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومعنى حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا ويتولى أمورنا فلا نتوكل إلا عليه وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل فعلى المسلم إذا وقع في كربة وشدة عليه أن يلتجئ إلى الله وأن يتوكل عليه وشرع له أن يقول هذه الكلمة العظيمة والله عز وجل قدير ومجيب وكاف من توكل عليه Sachez qu'Allah Azza wa Jal a fait ou a accordé pour chaque œuvre une récompense. Et la récompense de celui qui place sa confiance en lui, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah lui suffit entièrement dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et aucun ennemi ne pourra ainsi l'atteindre. Il dit, subhanahu wa ta'ala, et celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, « Ô prophète, Allah te suffit, ainsi que ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. » Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit, « Hasbunallahu wa ni'mal wakil. » Allah nous suffit, et c'est le meilleur sur qui nous pouvons placer notre confiance. Cette parole, Abdullah ibn Abbas a dit, cette parole a été dite par Ibrahim lorsqu'il a été jeté dans le feu. Et cette parole a été dite par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque des gens sont venus lui dire « Les gens se sont réunis contre vous, redoutez-les, redoutez-les » Qu'est-ce que cela a eu comme implication vis-à-vis des musulmans ? Ont-ils eu peur des ennemis qui s'étaient réunis contre eux ? La réponse est non. Allah Azza wa Jalla dit « Fazadahum imana » Cela n'a fait qu'accroître leur foi. Cela n'a fait qu'accroître leur foi. Et ils ont dit « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et c'est le meilleur sur qui nous plaçons notre confiance. C'est-à-dire qu'Allah nous suffit. Et c'est lui qui prend en charge, nos affaires. Et nous ne plaçons notre confiance qu'en lui, subhanahu wa ta'ala. Ainsi le musulman, lorsqu'il se trouve dans une situation délicate, lorsqu'il se trouve dans une situation dangereuse, il se doit de s'en remettre à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il lui est légiféré de dire, comme l'a dit Ibrahim, alayhi salam, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et il lui est légiféré de dire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Thumma alamu ayyuhal muslimun, anna thamarat at-tawakkul 'azimah. Faqad jaa Ibrahim bi zawjatihi Hajar wa ibnaha Isma'il wa huwa radi'un wa wada'ahuma fi Makkah. Wa laysa fiha ahadun wa la ma'un fiha. ثم قفا منطلقا إلى فلسطين، فدفعته أم إسماعيل فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فلم يضيعهما الله، فأجرى الله ماء زمزم يشرب الناس منه إلى يومنا هذا، ورزقها من الثمرات، وأصبحت مكة عامرة بالناس، وبنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة. فتأملوا رحمكم الله إلى ثمرة توكل أم إسماعيل على ربها، وتفتح الخيرات عليها وعلى من بعدها. Et sachez qu'il y a d'immenses bénéfices. D'immenses bénéfices découlent lorsqu'une personne place sa confiance en Allah. Ibrahim alayhi salam est venu accompagné de sa femme Hajar et de son fils Ismaïl, qui était encore, que sa mère allaitait encore. Il les a déposés à la Mecque. La Mecque qui, à l'époque, était un désert où il n'y avait personne, de même qu'il n'y avait pas d'eau. Il a déposé sa fille et son fils, sa femme et son fils, puis est reparti en direction de la Palestine. Ummu Ismaïl a couru derrière lui et lui a dit: « Est-ce Allah qui t'a ordonné de faire cela ?» Il a répondu oui. Elle a dit: donc il ne nous délaissera pas. Elle est donc retournée. Et Allah Azza wa Jal ne l'a en aucun cas délaissée. Allah Azza wa Jal, de par cette confiance que Hajar a placée en son Seigneur subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal a fait jaillir de la terre l'eau de Zamzam que les gens boivent jusqu'à nos jours. Et que les gens boiront jusqu'au jour dernier. Et Allah Azza wa Jal lui a accordé des fruits et des bienfaits, de telle sorte que la Mecque est maintenant pleine de gens, de telle sorte que la Mecque fut, peu de temps après, un endroit de rencontre internationale. Et c'est à la Mecque que Ibrahim et Ismaïl ont bâti la Kaaba. Réfléchissez donc à ces bienfaits qui ont découlé de cette confiance que Ummu Ismaïl a placée en son Seigneur. وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّوَكُلِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ نَيْلُ الْمَحَبَّةِ نَيْلُ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَرِضَاهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَكَذَلِكَ نَيْلُ مَعُونَةِ اللَّهِ وَنَصْرِهِ وتأييده كما جرى لإبراهيم حين ألقي في النار. ومن ثمرات التوكل على الله النجاة من الشدائد والكروب، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. ومنها راحة القلب وانشراح الصدر، فإن من وكل أمره إلى الله ارتاح قلبه واطمأنت نفسه وتيسرت أموره. Et sachez que les fruits du fait de placer sa confiance en Allah sont nombreux. Parmi ces fruits, le fait d'avoir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal aime et est satisfait de ceux qui placent sa confiance en lui. Et Allah Azza wa Jal aime al-mutawakkilin. De même que celui qui place sa confiance en Allah bénéficie de l'aide et de la victoire d'Allah. Comme on a bénéficié Ibrahim lorsque son peuple l'a jeté dans le feu. Et Allah Azza wa Jalla dit: Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ô feu, sois une fraîcheur et un salut pour Ibrahim. Parmi les fruits du fait de placer sa confiance en Allah, c'est d'être épargné des situations difficiles et des situations dangereuses. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla: N'est-ce pas Allah qui suffit à son serviteur? Et parmi ses bienfaits, la tranquillité du cœur, la sérénité de la poitrine. Celui qui s'en remet à Allah, Celui qui s'en remet à Allah connaît une tranquillité et ses sujets ne sont que facilités. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant, toutes ses situations sont bonnes. Lorsqu'un mal le touche, il remercie Allah et cela est meilleur pour lui. Lorsqu'un mal le touche, il patiente et cela est meilleur pour lui. Et lorsqu'un bien le touche, il remercie Allah et cela est un bien pour lui et cela n'est accordé qu'aux croyants. Il n'y a que le croyant qui est bien, qui a le cœur tranquille et la poitrine apaisée, quelle que soit sa situation. Et cela, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une faveur qu'Allah n'accorde qu'à celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتوكلون عليه حق توكله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انصر إخواننا في سوريا, اللهم انصر إخواننا في سوريا, اللهم انصرهم على عدوهم, اللهم عجل بنصرهم, اللهم عجل بنصرهم, اللهم عجل بنصرهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.